je ne reçois plus vos bouteilles, vos SOS, à la trop tard, la ligne a été coupée. Mais qu'il est bon de faire la sourde oreille à vos égoïstes prières. Jadis, j'ai cru pouvoir vous sauver, mais plus rien ne sera jamais pareil. Et j'ai du mal, oh, à m'y faire. Maître de vos destins, vous l'avez aidé, mais qui vous donne le droit de commander vos soleils? Satisfait de vous, de l'hiver. Débordant d'orgueil, vous étonnez, vomissant d'envie jusque dans votre sommeil, agrippant la moindre chimère. Mes chers psychoses, vous m'avez néblosé, vos inepties vous décident à merveille. Il est temps pour vous de vous taire.